qu'ils arrêtent leur cirque. Putain qui nous rend enfin cette musique qui nous appartient. Et ton jingle promis sur le rap. Mets-toi le là où je pense, enfonce le bien. Un rap under pour les mecs qui savent. On baisse pas le froc, on ramasse pas la save. On écoute pas ton rap de grave. Leur son tourne comme une pillage dans une cave. Y'a du sperme dans les mics et dans les locaux sky. J'suis déjà drogué au son, pas besoin de popo de sky. Un caractère trempé, m'en veux pas si j'déraille. Vaut mieux que ta fille m'écoute plutôt qu'elle se tape des rails. Qu'elle sache plus combien de pipe elle taille. C'est grave, aïe, c'est hard, aïe. Faux style, j'allume les faux comme dans un drive-by. Mec, j'suis d'humeur hardcore parce que j'suis plus d'accord. Tu travestis notre art de cette manière, connard. Un art de rue qui tapine nos trottoirs pour une poignée de dollars. Ils ont travesti, violé, fait tourner. L'ont foutu au trottoir et l'ont fait tapiner. C'est notre art de rue qu'ils ont marqué. Fusé dans les cendres entièrement formaté. Ils ont travesti, violé, fait tourner. L'ont foutu au trottoir et l'ont fait tapiner. C'est notre art de rue qu'ils ont marqué. Fusé dans les cendres entièrement formaté. Et fiston, c'est par là que ça se passe. 1-0 KRET, voilà notre rap. Mon produit n'est pas pour les putes ni les poux. Les gens qui te font la bise quand tu vois que tu es en haut de l'affiche. Les suspites face à Bruno pour une playlist. Rap pour riche ta sœur, j'en ai plein les narines. La rime je la travaille, je la fournis comme du bon shit. Dans mes rap lourds, c'est père qui est devenu mon bi. Tu veuilles ou pas mec, l'under c'est mon registre. Poser les mics à terre car voilà les tueurs d'MC. Tu t'es dit à Marseille, ça rappait que la joie. Bande de bouffiers frontières, c'est pas un cauchemar constat. Ne crache pas sur ma musique. Ne salis pas notre carrière d'artiste. Non. Ça fait plus 10 piges que j'immerge. Et quand j'entends cette merde, j'ai envie de leur sortir ma verge. Ils ont travesti, violé, fait tourner. L'ont foutu au trottoir et l'ont fait tapiner. C'est notre art de rue qu'ils ont marqué. Fusé dans les cendres entièrement formaté. Ils ont travesti, violé, fait tourner. L'ont foutu au trottoir et l'ont fait tapiner. C'est notre art de rue qu'ils ont marqué. Fusé dans les cendres entièrement formaté.